Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit rêvée de Alex Baupin. Un peu plus de minuit, bienvenue à toutes et à tous dans les nuits de France Culture. Comme Victor Hugo, les Frères Lumière et ma foi beaucoup d'autres, notre invité de cette nuit est né à Besançon. Il donne dans la chanson, paroles et musique depuis plus de 20 ans. Chanteur, chanteuse, comédien, comédienne, il a fait chanter les autres et fait chanter les films. Mais avant tout, il chante lui-même après avoir longtemps douté d'être un maître chanteur. D'ailleurs, il en doute peut-être toujours. Plus ça va, moins ça va, dit-il. Avec l'âge, je suis de plus en plus angoissée à chaque sortie de disque. En auteur, compositeur ou interprète, il est pourtant, depuis ses débuts, couvert de louanges, de prix, de récompenses, de disques d'or et même d'un César pour des chansons d'amour, des chansons tristes, des chansons graves le plus souvent. On le dit romantique, il revendique sa mélancolie et s'il manie volontiers l'ironie, il ignore superbement le cynisme. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes très heureux de l'accueillir pour sa nuit rêvée. Pourquoi, pourquoi ai-je glissé ma langue dans le passage étroit qui conduit à la gangue de ta bouche? Pourquoi ai-je glissé ma langue? Je m'en mords les doigts. J'aurais dû cette langue la tourner cette fois, car me voici exsangue. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pourquoi, pourquoi ai-je touché ton corps? Ce geste maladroit, je le regrette encore. Ton corps si chaud, pourquoi a réveillé un mort? Comme je maudis mes bras et leurs piteux efforts, je suis parti tout droit dans le décor. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Je croisais ta route, qui donc a fait de moi ce petit tas de doutes? Est-ce toi et pourquoi faut-il que tu t'en foutes, que tu me laisses là? N'entends-tu pas, écoute, mon cœur tambour qui bat annonce ma déroute. Infini. Pas plus le jour que... Bonsoir Alex Baupin. Bonsoir. Pas plus le jour que la nuit, c'est la chanson que nous venons d'entendre et c'est aussi le titre de votre dernier album, Alex Baupin. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Est-elle un autoportrait, cette chanson? Je ne sais pas si c'est un autoportrait, c'est plutôt l'expression d'un état dans lequel je me trouve au moment où je fais cet album, un état d'inquiétude. Une inquiétude qui est liée à l'état du monde. Et puis à l'état dans lequel je suis moi par rapport... En l'occurrence, c'est une chanson qui parle de ce qu'on peut ressentir comme état d'angoisse et d'inquiétude quand on est aimé, quand on n'est pas payé de retour, voilà. Mais j'ai piqué ça à une romancière qui s'appelle Charlotte Brontë, j'ai un peu honte, c'était dans une de ses correspondances, elle écrivait à un de ses amants, elle lui disait ça parce qu'il lui répondait pas. Et il y a d'ailleurs un clip signé Xavier Legrand dans lequel vous mettez en scène votre propre mort. Et en même temps, c'est un titre très dansant. Oui, parce que mais moi j'ai toujours aimé ça, la, comment dire, le contraste qu'il peut y avoir dans certaines chansons, pas dans toutes, sinon ça devient un principe, un systématisme, et c'est pas intéressant, mais raconter des choses désespérées sur des musiques légères ou dansantes, je trouve que c'est peut-être l'acmé, la définition de la pop musique finalement, c'est chanter légèrement des choses graves. Dans votre nuit rêvée, de la littérature, du sport, des comédiennes, de la bande dessinée, du cinéma, de la politique et bien évidemment de la chanson. Le programme de votre nuit rêvée est des plus éclectiques. Cet éclectisme vous ressemble-t-il ? J'espère, je crois que peut-être que j'espère être encore quelqu'un d'assez curieux. En tout cas, j'essaie de lutter contre une paresse intellectuelle qui s'installe avec l'âge, j'ai l'impression. Avec l'âge, avec des habitudes de consommation. Et donc, effectivement, s'intéresser à la fois à l'état du monde, c'est pour ça que j'aime bien qu'on parle de politique, mais aussi à la culture et à l'art dans tout ce que ça peut regrouper. C'est un peu l'héritage que je dois à mes parents, je crois, qui nous ont appris assez tôt que la culture et le savoir, c'était des choses importantes dans la vie. Et donc si ça peut se refléter dans les petites choses que j'ai choisies pour la nuit, tant mieux. C'est avec John Irving, dans une émission de 2013, alors qu'il faisait la promotion de son dernier roman « À moi seul, bien des personnages », que s'ouvrira votre programme d'archives, Alex Baupin. Pourquoi avoir voulu entendre cet écrivain, pour Irving en général ou pour ce livre en particulier ? Pour les deux, Irving d'abord, parce que je l'ai découvert à l'âge de 15 ans, je crois, ou 16 ans, j'ai lu « Le monde selon Garpe », et puis L'œuvre de Dieu, la part du diable, voilà, il y avait quelque chose chez lui, une espèce de romanesque, une espèce de souffle. C'est un grand admirateur de Dickens, Irving, et on sent chez lui cette volonté d'être le grand écrivain anglo-saxon, quoi. Alors lui, en l'occurrence, est canadien, canado-américain, mais il y a quelque chose comme ça de l'ordre du grand roman américain qui, moi, m'a toujours fasciné quand je les lis. Alors j'aimais beaucoup ça, et puis, par une espèce de snobisme, peut-être, à un moment donné, arrivé vers l'âge de 18 ans, 20 ans, j'ai commencé à délaisser ça un peu. Il y avait un côté best-seller, vous voyez ce que je veux dire dans Irving, un côté un peu, voilà. Un peu trop populaire. Ouais, exactement. Et puis j'y suis revenu quand, parce qu'à un moment donné, c'est des barrières qu'on abat, heureusement, et on arrête d'être un peu idiot. Et j'y suis revenu avec ce livre-là, qui s'appelle À moi seul, bien des personnages. J'avais lu les livres précédents, mais qui sont des livres qui me plaisent moins. Une veuve de papier, un enfant de la balle. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui s'essoufflait un peu. Et alors, dans celui-là, il y a quelque chose que, indépendamment du fait qu'à nouveau, c'est un grand roman américain qui, comme ça, traverse des époques et puis raconte plein de choses. Il y a quelque chose autour du personnage de Billy, qui est un personnage bisexuel, qui ressemble beaucoup à des choses qu'ont pu vivre John Irving, qui m'émouvait profondément et qui faisait écho avec qui je suis moi, bien évidemment. Donc c'est, voilà, c'est pour lui et pour ce roman particulièrement. Ouais. D'Irving, vous dites qu'il croit à la fiction. Ouais, je crois qu'il croit au pouvoir de... Enfin, de toute façon, quand on plonge dans un livre, quand on va au cinéma, ou quand on écoute, il y a toujours une forme de croyance dans ces choses-là, une croyance qui n'est pas religieuse, hein, mais je crois que ouais, Irving croit beaucoup au pouvoir du roman ou du romanesque, en tout cas. Il y a quelque chose chez lui. C'est peut-être pour ça que par snobisme, à un moment donné, je l'ai délaissé, parce qu'il y a quelque chose qui peut sembler très traditionnel dans sa façon d'envisager le roman, même dans sa façon d'écrire de longs et de lourds romans. Mais moi, cette croyance-là, elle m'émeut beaucoup quand je le lis, ouais. Donat Hart, Bret Easton Ellis, c'était aussi des noms d'écrivains que vous m'aviez cités pour préparer le programme de votre nuit. Il y aurait pu y avoir aussi John Fante, je crois. Oui. Est-ce à dire que pour la littérature du moment, celle d'aujourd'hui, vous seriez plutôt atlantiste, qu'il y aurait pour vous plus de matière fictionnelle chez les écrivains américains que chez les nôtres ? Ben, et là, je me rends compte que, enfin, et je m'en suis rendu compte quand j'ai fait ce choix que vous m'avez demandé de faire, que effectivement, les écrivains français que j'aime, ça s'arrête au 19e, et après j'ai lu des choses, hein, attention, bien sûr, mais je suis plus intéressé par ce qui se passe outre-Atlantique après, effectivement. Et puis, aussi, alors je lis quand même des écrivains français d'aujourd'hui, et je me force même à le faire en rentrée littéraire, et je découvre des choses que j'aime beaucoup, mais il n'en reste pas moins qu'un type comme Bret Easton Ellis, ça a été, pour les gens qui ont vécu la culture des années 80, puis plus spécifiquement 90, ça a été quand même une révélation. American Psycho, moi je crois que c'est un choc littéraire mondial, qui n'est même pas question de savoir s'il est américain ou pas. En l'occurrence, il l'est, c'est pas un hasard. Mais je crois que si quelqu'un a marqué de son empreinte la fin du siècle, c'est lui et puis ceux qui étaient avec lui, Gemma Kinerney, Donat Hart, etc. Mais c'est un tel choc littéraire et ça, c'est tellement moderne, American Psycho, aujourd'hui encore, que je crois que c'est difficile de passer à côté. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant. J'ai eu l'impression de lire quelque chose qui faisait partie de l'histoire de la littérature, voilà, de vivre un moment historique de la littérature. Pour en revenir à John Irving, « À moi seul, le bien des personnages », un titre emprunté à Shakespeare. Êtes-vous, vous-même, à vous seul, bien des personnages, Alex Baupin ? Je le crains. Oui, bien sûr, je le pense. Je crois que la situation à dire, c'est à moi seul bien des personnages et aucun qui ne convienne aux autres ou quelque chose comme ça. J'ai peut-être une bêtise, mais... Dont nul n'est satisfait. Voilà. Ouais. J'aime bien cette idée de la suite parce que je suis sans doute à moi seul bien des personnages et effectivement, il n'y en a pas un qui fait l'unanimité. C'est une belle idée, je trouve, de se dire que... Parce qu'à la fois, ça... Bien sûr, ça raconte tous les secrets qu'on peut enfuir et toutes les personnalités qu'on peut endosser. Moi, je suis un garçon qui a tendance à beaucoup cloisonner sa vie, par exemple. Et je pense qu'effectivement, tout en étant, je crois, fidèle à moi-même, je peux être des personnalités différentes en fonction des endroits où je suis. Ouais. Il me semble avoir lu quelque part que le premier gros livre que vous avez lu était Les Misérables, dont vous dites qu'il faut absolument le lire. Oui, je l'avais lu par une espèce de défi idiot. J'étais un gamin un peu tête à claque, comme ça, vous savez, ces enfants qui... Je devais être un peu... C'est pas que j'étais particulièrement vif, mais vu que j'avais été élevé par mes parents, qui nous aidaient beaucoup, qui nous donnaient des livres et tout ça, voilà. Et très tôt, je me suis dit, tiens, je vais lire Les Misérables, mais je vais le lire en intégrale. C'est quand même gros, Les Misérables, quoi. Et donc, j'ai dû le lire en CM2 6e, quelque chose comme ça. Et puis, je l'ai repris plus tard, quand j'avais 20 ans. Et oui, je crois qu'il faut lire Les Misérables, d'abord parce que c'est pas daté, Victor Hugo, parce que ce qu'il raconte au 19e siècle... C'est toujours émouvant aujourd'hui de voir que l'humanisme de cette histoire-là, elle n'est pas dépassée du tout. Et puis, il y a une amplitude là-dedans, il y a un sens de... C'est marrant, je me rends compte que j'ai... Peut-être que j'ai un petit goût pour le pompiérisme malgré tout, parce que... Alors que je me suis, moi, dirigé vers un art qu'est la chanson, qui est quelque chose qui nécessite d'être assez direct, assez dans le raccourci, etc. Voilà, dès que c'est des films très longs, dès que c'est du Victor Hugo et que ça part dans tous les sens, dès que c'est feuilletonnisant ou feuilletonesque, dès que même dans l'expression, on n'hésite pas à être un petit peu, vous voyez comment il peut être pompier, Victor Hugo, parfois. Eh bien, il y a quelque chose là-dedans qui me plaît beaucoup. Ouais. Je crois que dans la boursouflure, dans l'exagération, quelque chose qui me plaît parce que le côté bigger than life, ça m'attire, quoi. La littérature est-elle pour vous une source d'inspiration pour les textes, mais peut-être aussi pour les musiques de vos chansons ? Non, je crois pas. J'essaye de lire encore beaucoup. J'ai beaucoup lu, j'essaie de lire encore beaucoup, mais j'ai toujours j'ai toujours considéré que la chanson était un art à part. Et qu'en ce sens, écrire des chansons, c'est pas faire de la littérature, ni même de la poésie, peut-être, en fait, en réalité. Et que ce sont deux choses très différentes. Alors, il peut m'arriver, je dis souvent que c'est d'entendre, de lire ou de voir des belles choses qui me donnent envie d'en faire. Il peut arriver que lire un beau livre qui me bouleverse, ça me donne envie de retourner devant mon piano pour faire quelque chose de l'ordre de la création. Mais je crois que jamais... Je vous dis ça, puis en même temps, je viens de vous raconter que Charlotte Brontë... Mais c'est des petites phrases éparses, mais jamais un livre dans son entier m'a inspiré une chanson. Jamais je suis allé choper des phrases, parce que je crois que ce sont deux arts très, très différents, en fait. À quoi pensez-vous, Valérie Lemercier ? C'est le titre de l'archive avec laquelle se poursuivra votre programme. Nous l'écouterons en 2009 au micro de Brigitte Lefèvre. Est-ce parce qu'elle vous fait rire que Valérie Lemercier est dans votre nuit rêvée ? Je crois que c'est la comique française qui me fait le plus... Je crois que c'est la femme qui me fait le plus... Vivante, qui me fait le plus rire aujourd'hui, oui. J'ai vu tous ces spectacles, quasiment, peut-être pas le premier, mais à partir du deuxième, j'ai vu absolument tous ces spectacles. Et je trouve qu'en plus de ça, elle a une façon de vivre cette chose-là, qui est le fait d'être comique, qui est très saine. C'est-à-dire qu'elle explique, on l'entend dans cette émission, je spoil un peu, mais elle explique par exemple qu'elle, ce qu'elle préfère au monde, c'est faire rire les gens, et qu'elle a pas cette espèce, on parle souvent d'un syndrome de Chao-Pantin, le fait que ça n'amuserait pas du tout d'être dans des tragédies, dans des drames, que même il y a des films qu'elle a fait un peu plus dramatiques, et elle préfère à ces films qu'elle a fait 5 minutes d'une petite bêtise qu'elle a faite dans une émission télé, mais qui est très drôle, et je trouve que c'est un rapport très sain à cette chose-là. Et puis Valérie Lemercier, je la trouve belle, je la trouve intelligente, je la trouve pertinente. Elle a sorti un album de chansons, avec en l'occurrence Burgala. Avec Burgala, qu'on a retitulé Valérie Lemercier chante, ça s'appelait, je crois. Et qui, pour moi, sont les chansons comiques, parce que la chanson comique, ça peut être abominable, mais les plus réussies depuis celles qu'on pouvait entendre de Bourvil. Je crois que c'est un modèle pour elle, Bourvil, d'ailleurs. Et il y a chez elle, en fait, voilà, il y a chez elle cette filiation avec Bourvil qui, moi, m'émeut profondément parce que c'est les comiques que je préfère, ces comiques-là. Oui, d'ailleurs, comment situer son comique, la personnalité de Valérie Lemercier ? On pourrait presque dire qu'elle est quelque part entre Jacqueline Maillan et Zouk. Oui, il y a quelque chose comme ça, parce que ça peut être très inquiétant, un spectacle de Valérie Lemercier à voir. Il y a des choses... Il y a un sketch notamment, je me rappelle, sur un papa belge qui a enterré sa femme et qui raconte à son fils la façon dont sa mère aimait la vie, elle aimait la vie. Et pour lui raconter comment elle aimait la vie, il lui décrit par le menu toutes leurs aventures sexuelles. Et à un moment donné, il y a toujours une stupéfaction quand on regarde Valérie Lemercier, parce que c'est très drôle, et tout d'un coup, il y a des choses qui peuvent être absolument glaçantes. Et en ça, effectivement, elle peut rejoindre Zouk, enfin, l'étrangeté qu'il y avait chez Zouk. Et puis en même temps, il y a cette efficacité dans le jeu d'actrice qui peut effectivement la rapprocher d'une Jacqueline Maillan, et ça me plaît infiniment aussi. Comme elle le rappelle dans l'émission que nous entendrons, elle fait partie des comiques, des humoristes qui ne donnent pas dans les stand-up basés sur l'actualité, le social, la politique, ce qui est au fond assez rare aujourd'hui. Mais elle dit qu'elle fait du théâtre surtout. Puis il y a aussi la volonté chez elle de jamais avoir sorti un de ses spectacles en DVD. Elle n'a jamais fait filmer ses spectacles parce qu'elle estime que ça appartient à un endroit, quel endroit du théâtre. Ce qui lui permet d'ailleurs autre chose, c'est de... Quand elle fait des spectacles, tout n'est pas nouveau. Elle reprend des personnages parce qu'on est heureux de les revoir, parce qu'on ne peut pas les revoir ailleurs qu'en allant la voir sur scène. Elle accepte l'éphémère de la scène. Ouais, alors elle accepte de publier ses textes, par exemple. Ils sont parus, je les ai achetés d'ailleurs. Et quand on les lit, on revoit tout. Mais elle accepte l'idée que ce soit une expérience théâtrale avant tout, en fait. Et moi, au milieu de ce marigot de choses où il faut que tout soit filmé, tout. Vous voyez, là, pour une fois, on n'est pas filmé, mais même à la radio, on est filmé aujourd'hui, quoi. Il y a quelque chose de terrifiant dans cette idée-là. Et je trouve que, voilà, il y a quelque chose de très beau dans ce geste-là, qui est très rare et qui est unique, je crois, d'ailleurs. Et par ailleurs, est-ce qu'on n'en a pas assez, et là je ne parle évidemment pas de Valérie Lemercier, de l'omniprésence de la rigolade et des rigolos, de la poilade généralisée à la radio, à la télévision, de cette obligation de dérision qui a probablement commencé dans les années 80-90. 90 peut-être, ça commence peut-être avec ce qu'on appelait l'esprit canal, moi j'ai l'impression. Que t'es pas quelque chose, que t'es quelque chose à l'époque de... Voilà, il y avait quand même une vraie liberté de ton là-dedans, qui n'existait pas à la télé avant, et c'était important, mais effectivement ça a fini par tout inonder... Et moi, ça me fatigue profondément. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a plus le choix entre une espèce de rigolade perpétuelle qui s'apparente à une espèce de cynisme, ou alors, d'un autre côté, d'emportement militantiste qui laisse aucune place au dialogue. Et au milieu de tout ça, je parle bien sûr évidemment de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est un peu une tarte à la crème que je suis en train de débiter là, mais au milieu de tout ça, j'ai l'impression qu'il n'y a plus la place pour une pensée un peu complexe et pour un rire un peu plus... soit doux, soit intelligent, quoi. Ou subversif. Oui, parce que la rigolade de tout, ça empêche la subversion, en réalité, vous avez raison. C'est pour ça que, dans votre portrait, ça m'a plu, vous disiez que je pouvais avoir le sens de l'ironie, mais pas du cynisme. Et je trouve qu'il y a dans la rigolade perpétuelle un cynisme, un second degré. En fait, je crois que j'ai horreur du second degré. Je crois que moi, quand j'aime les chansons, quand je fais les choses, je les fais avec beaucoup de premier degré. Ce qui n'empêche pas qu'on a le droit de pas se prendre au sérieux. Mais je trouve ça important, en fait. Le cynisme, le second degré, ça finit par tout avaler. Plus rien n'est joli, quoi. Et ça salit beaucoup de choses, je trouve, en fait, en réalité. Il semblerait qu'à cause d'un sketch sur Juliette Binoche, Valérie Lemercier soit un peu tenue à l'écart de la présentation des Césars. Vous-même, prenez-vous bien la moquerie, la parodie? Est-ce qu'on peut se moquer d'Alex Baupin, chanteur, compositeur? D'abord, Alex Baupin est-il parodiable ou diable tout court? Diable tout court des fois, bien sûr, mais ça va relever de ma vie privée. Moi, ça me ferait plaisir qu'on le fasse, puis qu'on le fasse plus souvent. On ne l'a pas beaucoup fait. Déjà, quand on le fait, c'est quand même une preuve, il y a quand même une reconnaissance là-dedans. Quand on est parodié, ça veut dire qu'on existe, d'une certaine façon, aux yeux du public, quoi. Donc ça, c'est... Moi, je crache pas du tout sur la reconnaissance populaire. Je l'ai pas atteinte encore, mais ça me plairait beaucoup, ça. Et puis, oui, ça m'amuserait de savoir ce qu'on en fait. Ce qui doit être pénible dans la parodie, c'est quand elle est dans la caricature, mais dans une caricature qui correspond pas du tout à ce qu'on fait. Moi, j'aime ça, la parodie, mais même, enfin, quand c'est bien fait, ça me fascine. Et puis, je crois que je me moque suffisamment de moi-même, quand même, que ce soit sur scène ou dans la vie. Et puis, j'ai des amis qui m'entourent. Moi, c'est une grande qualité que je recherchais chez mes amis, c'est d'être drôle, d'avoir de l'humour. Et je crois que j'ai beaucoup d'amis qui sont capables de me parodier très très bien. Et ça me plaît plutôt. Ouais, j'ai pas trop de... Je suis pas trop très orgueilleux à cet endroit. Si les choses sont drôles, mais vraiment drôles, hein, si on est par une espèce de rigolade idiote dont on parlait tout à l'heure, ouais, ça peut me plaire infiniment qu'on se moque de moi, bien sûr. Alors drôle dans la vie privée, vous aimez rire et faire rire, mais pourquoi surtout des chansons tristes ou mélancoliques, Alex Baupin ? Bah parce que c'est ce que je préfère écouter, je crois. Je crois qu'on écrit les chansons qu'on a envie d'écouter, en fait. Et bon, bah alors fatalement, moi je retombe de ce que je préfère écouter. Il se trouve que les chansons que je préfère écouter, même si c'est pas mon unique goût, mais ce sont les chansons mélancoliques, les chansons tristes. Peut-être aussi parce que ce sont celles que j'arrive à faire. Je me force à deux choses, c'est à faire les chansons que j'aimerais écouter. Et puis surtout, ça c'est une contrainte, c'est que je fais les chansons que j'arrive à faire, que je peux faire. Il m'est déjà arrivé d'essayer d'écrire des chansons soit plus joyeux, soit plus sur le bonheur, sur l'idylle, mais c'est très compliqué à faire ça. Je crois qu'en France, à part Charles Trenet, bien sûr, et Étienne Dao, parce que Dao, il a une espèce de lyrisme qui lui permet de faire ce genre de choses, une espèce de naïveté, de candeur. Moi, j'ai beaucoup trop d'ironie en moi pour y arriver à ce point-là. Et puis, il y avait peut-être ça aussi chez Charles Trenet, une espèce de candeur qui lui permettait de parler du bonheur. Mais le bonheur, en réalité, c'est la vraie définition du bonheur, c'est quand il ne se passe rien. Et pour raconter le rien, il faut avoir du talent, un talent immense que j'ai pas ou que j'ai pas encore, ou il faut encore que je travaille. Peut-être que le moment où j'aurai réussi ma carrière, j'aime pas le terme, mais où j'aurai réussi dans la chanson, c'est quand je réussirai à écrire la chanson sur le bonheur. Ça, c'est un vrai graal, ouais. Alex Baupin, vous venez d'évoquer Étienne Dao, c'est lui que nous retrouverons au programme de votre nuit rêvée. Étienne, mon chanteur préféré, dites-vous, en ce sens qu'il est celui qui me décourage et me motive le plus. Mais oui, je dis ça quand chaque fois que Étienne Dao, on va pas commencer à faire du name dropping. Chaque fois qu'Étienne Dao passe en concert, j'y vais, je ne rate aucune de ses tournées. Et quand je sors d'un concert d'Étienne Dao, à la fois je suis très plein parce que c'est très beau, et puis il a une façon de réarranger ses chansons constamment, il y a une recherche constante chez lui, il n'y a jamais de paresse, et il a beau rejouer pour la 20e fois Weekend à Rome ou Le Grand Sommeil ou Tomber pour la France, il trouve toujours un moyen de le réarranger pour en faire quelque chose de nouveau et qui s'insère dans son nouveau projet. Alors ça me plaît énormément. Et puis en même temps, je le regarde et je me dis, mais à quoi bon continuer à faire ça, puisqu'il a fait, il a tout fait. Et en plus, non seulement il a tout fait, mais en plus, lui, il a eu la reconnaissance critique, la reconnaissance populaire. Il a fait ce truc que moi, j'ai pas fait encore, soyons réalistes, que je ferais peut-être pas, qui est d'avoir eu des tubes. Enfin voilà, il a réussi le parcours, pour moi, à mon sens, à peu près idéal. Alors après, je m'y remets, parce qu'à ce moment-là, plus personne n'écrit de livres parce que des gens existaient, plus personne ne fait de chansons parce qu'il y a eu Gainsbourg. Enfin voilà, je sais bien que... Après, je me raisonne. Mais en ce sens, il me motive et il me décourage. Mais je crois que c'est ça, être fan. Peut-être que c'est le seul chanteur dont je sois fan. Je suis pas très fan au sens fanatique. Mais alors lui, vraiment, c'est une espèce de... Bon, ça a trait avec l'adolescence et tout ça, ça a trait avec l'enfance, l'adolescence, tout ça, mais c'est vraiment, c'est vraiment un modèle pour moi. Y a-t-il un avant et un après Étienne Dao dans la chanson française, selon vous ? Oui, à la fois un avant, un après, à la fois Étienne, il est totalement... J'ai la chance de l'avoir rencontré un peu, j'ai mis du temps à le rencontrer un peu, parce qu'au début, quand on me le présentait, je devenais tout rouge, je bégayais, je fuyais, parce que moi, j'arrive pas à rencontrer les gens que j'aime profondément, je trouve ça très embarrassant. Bon, au bout d'un moment, parce qu'il était vraiment, c'est un garçon très gentil, j'ai fini par avoir l'occasion de discuter un peu avec lui, et à la fois, il marque une rupture, parce qu'il amène quelque chose qu'est la pop musique en France, mais en réalité, plein d'autres gens l'avaient fait. C'est à la fois une rupture et une continuité, Étienne, et il le comprend très bien. Moi, je pense qu'il y a, et moi, j'aime ces parcours-là, parce que je pense qu'on vient pas de nulle part. Je pense qu'il y a en France, le vrai inventeur de la pop musique en France, c'est Charles Trenet, en ce sens qu'il déboule en disant, tout d'un coup, on va arrêter avec cette tradition littéraire qui fait que la chanson française, c'est de la mélodie, mais on va mettre des paroles françaises sur du swing, donc une musique anglo-saxonne. Et c'est là que la pop musique arrive en France, en fait. Ensuite, il y a Gainsbourg qui fait ça très bien pendant des années. Et ensuite, il y a Dao, en réalité. Pour moi, la trilogie des gens qui sont des chanteurs de pop musique, puis après, on a les chanteurs, les Brassens, tout ça, mais c'est autre chose, c'est ces gens-là. Donc, à la fois, il marque une rupture parce qu'il propose de chanter sur une pop musique qui est celle de son époque, qui est celle des années 80, ce que les gens faisaient pas avant. Et à la fois, il marque une continuité avec, pour moi, il y a vraiment Trenet, Gainsbourg, Dao. Puis après, j'espère que c'est moi, mais c'est moi et d'autres gens, mais vous voyez, moi, je m'inscris en tout cas dans cette filiation-là complètement. Vous reprenez des chansons d'Étienne Dao? Oui, cette fois-ci, oui. C'est la première fois que je me l'autorise là sur cette tournée-là, parce que chaque tournée je fais une reprise de chanson sans second degré aucun. J'ai pu reprendre par exemple Ouragan de Stéphanie de Monaco et je la reprenais très au premier degré parce que c'est une chanson qui m'a ému quand j'étais jeune et il y a aucun cynisme, enfin qu'une volonté de faire le malin quand je reprends ces chansons-là. Bon, là en l'occurrence je me suis dit ça y est, j'ai 45 ans, je l'ai un peu rencontré. Peut-être que je vais m'autoriser, et puis c'est idiot de pas... Voilà, c'est vraiment moi, pour le coup, Étienne Dao, c'est tout ce que j'aime. Et donc je reprends Tomber pour la France en tournée, là. Et c'est pas facile, la chanson, Parce qu'on a l'impression que c'est facile, Étienne Dao, mais il m'avait prévenu, enfin, il m'a prévenu un peu, il m'a dit, tu vas voir, c'est, il était un peu vulgaire, il m'a dit, elle est pute à chanter, la chanson. Et c'est vrai qu'elle est pute à chanter, la chanson. C'est très compliqué à chanter, cette chanson, mine de rien. Avec le temps, avez-vous levé les doutes que vous aviez sur Alex Baupin interprète, sur Alex Baupin chanteur ? Non, je crois pas. Mais tant mieux. Enfin, moi, il n'y a rien qui me terrifie plus dans la vie que les gens qui ont des certitudes. On parlait tout à l'heure de ces espèces d'emportements qui ont lieu sur les réseaux sociaux avec des gens qui affirment des choses très fort, en majuscules généralement, ou avec des points d'exclamation. Et moi, j'ai toujours considéré qu'être artiste, c'était quand même être constamment dans le doute, parce que c'est ce qui permet d'avancer. Alors, il y a quand même des choses sur lesquelles je suis un peu rassuré. J'en suis à mon 6e album, ma 5e tournée. Donc, par exemple, quand je fais l'Olympia, voilà, je suis passé sur quelques salles un peu, voilà, qui étaient importantes pour moi. Donc, évidemment, quand je vais sur scène aujourd'hui, c'est plus le même track que celui que j'avais au début, mais non, sur ma voix, sur ma façon de chanter, encore sur le dernier album, j'ai essayé de chanter d'une façon différente parce que je suis toujours pas persuadé. Je suis jamais persuadé d'être légitime, en fait. Moi, j'ai une sensation constante d'escroquerie. Par exemple, je crois que c'est lié à ça, mais j'ai pas mon permis de conduire. Ça va devenir un peu psychanalytique, mais alors que j'ai jamais fait de thérapie. Mais je rêve constamment que je suis dans une voiture, et je sais à peu près comment ça marche, une bagnole, vous voyez. Et pour une raison X ou Y, je suis obligé de la déplacer d'un mètre, puis je la déplace de 2 mètres, de 3 mètres, et puis je continue à avancer, je suis sur une nationale, et je finis sur une autoroute à conduire une voiture, alors que j'ai pas mon permis de conduire. Et très clairement, c'est une espèce de sensation, voilà, j'ai cette impression-là. Parfois, quand je suis dans un studio et que je dois faire un disque, quand une maison de disque me dit, alors on va faire le nouvel album et tout, j'ai la sensation de conduire une bagnole alors que j'ai pas le permis, voilà. Donc, non, je suis pas sûr, mais quand même, j'ai une petite expérience maintenant d'une 15aine d'années qui me permet de continuer à faire avancer la bagnole, quoi. Vos succès ont-ils toujours été pour vous des surprises ? Oui. Non, je réfléchissais à quel succès j'avais bien pu avoir, c'est vous dire la haute estime dans laquelle je me tiens, mais il y a quand même eu des choses dont on a en tout cas un peu parlé, qui ont eu une petite résonance. Oui, toujours. Oui, constamment. Et c'est bien, parce que si j'en avais prévu ne serait-ce qu'un, je pense que j'essaierais de le reproduire constamment, alors que là, je peux faire ce que je veux, parce qu'à chaque fois, je me dis, mais de toute façon, les fois où ça a fonctionné un peu plus que d'autres, je ne m'y attendais pas. Donc ça veut dire que je peux faire absolument ce que je veux. Ça, c'est formidable d'avoir des succès qui sont des surprises, parce que ça veut dire qu'il faut faire ce qui nous semble juste et pas ce qui nous semble possible, enfin ce qui nous semble amené à marcher, quoi. Le succès arriverait donc toujours sans frapper. Je pense aux gens dans l'enveloppe, une idée magnifique et un grand succès. Vous pouvez nous rappeler de quoi est né ce livre-disque ? Rapidement, même si l'idée paraît complexe, mais quand on le lit, c'est assez simple. C'est une amie à moi qui s'appelle Isabelle Monin, qui était à la fois, qui était journaliste au Nouvel Obs et qui est devenue romancière. Et un jour, je vais dîner chez elle, et il se trouve qu'elle a acheté sur Internet une pochette de 250 photos de famille, qu'elle a eu pour 10 euros chez un brocanteur lillois, sur eBay, comme ça. Et donc, il y a des photos comme ça, où on voit une famille, pendant 10 années, peut-être 15 années, des années 80, années 90. Années 70, peut-être un petit peu. On les voit évoluer. Alors voilà, elle me montre ses photos. Je dis, bah, c'est formidable, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? Et puis elle me dit, alors j'ai une idée. C'est que comme je suis romancière, je vais prendre ces photos. Et puis, je vais raconter l'histoire de ces gens. Mais comme je me l'imagine en partant des photos, c'est-à-dire écrire une fiction. Et puis, comme je suis journaliste, je vais enquêter, je vais les retrouver, je vais leur demander de me raconter leur véritable histoire dans un deuxième volet. Et je lui ai dit, bah, alors c'est vraiment trop formidable comme idée. Moi, je veux absolument faire partie de ça. On cherchait un projet à faire depuis longtemps. Et je lui dis, eh ben moi, comme je suis chanteur, je vais écrire des chansons sur ta fiction, ce que j'ai fait. Et puis quand on retrouvera les gens, s'ils acceptent, on va leur demander de faire une reprise de la chanson qui résumerait leur vie. C'est ce qu'on a fait. Et ça a donné ce projet de livre-disque qui s'appelle Les gens dans l'enveloppe, qui effectivement a fonctionné, vraiment. Et voilà encore un projet qui semble complètement étonnant au départ et qui a un succès tout à fait inattendu, et c'est très réjouissant quand ça arrive. Je me suis enfuie de la ville morte, il aura suffi d'ouvrir la porte, l'avion dans la nuit, tout ce qui importe, c'est toi. C'est toi. J'ai laissé ma vie, j'ai été si forte. Mais ma vie, même s'il fallait que j'en sorte, Les regrets aussi nous ont fait escorte. Et toi, et toi, je te chanterai quand tombera le soir ces berceuses étranges, ces chansons bizarres qu'une petite fille attend dans le noir. Car je t'ai tout offert et tu as tout bu, la chair de ma chair, mon beau sang perdu. Il faudra, mon cher, que tu sois bien plus pour moi que ça. Nous écoutons Mon Cher, un des titres des Gens dans l'enveloppe, interprété par Clotilde M, un album de chansons Super 8 en quelque sorte, des chansons hectachromes, pour reprendre un des titres de votre dernier album. Mélancolique, Alex Baupin, mais pas nostalgique. Non, enfin, plutôt mélancolique, mais pas passéiste, je crois. Je crois que c'est ça la vraie... Parce que la nostalgie, ça peut m'arriver aussi de temps en temps d'avoir d'éprouver de la nostalgie pour des moments que j'ai vécu, notamment avec des gens qui ont disparu, évidemment. Mais pas passéiste, voilà. J'espère que la mélancolie ou la nostalgie sont pas deviennent. J'espère que ça ne deviendra pas chez moi de la réaction du passéisme. Voilà, cette idée de dire que c'était mieux avant. Alors c'était mieux avant. C'est Souchon, je l'entendais l'autre coup dire. Il a raison. Il disait mais c'est pas que c'était mieux avant. C'est nous qui étions mieux avant. C'est juste qu'on était jeunes, quoi. Il n'y a pas plus de gens intelligents, de connards aujourd'hui qu'il y en avait avant. Alors, c'était mieux parce que c'était pas la fin du monde, peut-être, mais ça, de toute façon, on n'y peut rien. Donc, voilà, mais oui, la mélancolie, bien sûr, c'est un sentiment très doux et très réconfortant, je pense, la mélancolie. Dans l'archive suivante, nous écouterons Marie Trintignant. Pourquoi avez-vous voulu qu'on entende Marie Trintignant dans votre nuit rêvée, Alex Baupin? Moi, je ne la connaissais pas, Marie Trintignant, je la connaissais que comme actrice... On connaît la fin tragique qu'a été la sienne. Qui a un peu trop fait oublier qu'elle a été une comédienne. Oui, je trouve que c'est bien de réentendre la voix de ces gens quand ils sont vivants, en fait. Surtout au regard de ce qui est arrivé. Au regard du fait qu'on peut entendre... C'est des questions compliquées, hein. Je vais pas du tout m'engager sur un terrain, voilà. Mais je trouve que c'est important d'entendre sa voix, voilà. Encore une fois, je la connaissais pas du tout et j'ai rencontré il y a pas longtemps au cours d'un festival et j'ai beaucoup aimé ce garçon et on se parle de temps en temps, un garçon qui s'appelle Pierre Salvadori, qui l'a beaucoup fait tourner, qui a un rapport aux comédiens, aux comédiennes très amoureux, très sentimental et il m'en a parlé un petit peu, pas tant que ça, mais un petit peu et c'est peut-être pour lui aussi, peut-être qu'on fait des choix aussi pour faire plaisir à des gens qu'on aime et qui sont encore là, enfin je sais pas. Je peux pas en parler beaucoup plus parce que ça me semblerait obscène. En fait, je trouve que c'est plus important de l'entendre, en réalité. Elle avait le projet d'un album avec Thomas Fersen. Il existe même, je crois, des enregistrements de 2003. Elle voulait chanter. Est-ce une voix que vous auriez aimé faire chanter? Ah, totalement. Ah oui, complètement. Ah oui, parce que... Ah, vraiment, ouais. Enfin, moi qui aime les voix... On dit les voix d'actrices, mais c'est les voix que j'aime bien, en réalité. Bah, après, il se trouve que les voix qu'on entend sont celles des actrices, mais... Oui, ça m'aurait plu, ça. Mais ça m'aurait plu d'entendre aussi ce que Thomas Fersen a pu faire pour elle, parce que je vois et je comprends où les deux univers peuvent se rejoindre. Faire chanter les actrices, chanteuses ou pas du tout, jeunes ou moins jeunes, c'est quelque chose que vous avez fait souvent. Que trouve-t-on dans la voix des comédiennes qu'on ne trouve pas forcément chez des chanteuses de métier? Une capacité d'incarnation, je pense, une capacité d'interprétation du texte, que des chanteuses de métier peuvent avoir d'ailleurs, mais ça énerve les gens, ça peut énerver, ça peut être très clivant les albums d'actrices ou les actrices qui chantent. Il y a des gens que ça énerve beaucoup parce qu'ils considèrent que c'est un peu chacun son métier. Et je suis pas loin d'être d'accord avec cette idée, moi qui ai jamais voulu écrire de livres ou réaliser un film parce que je trouve que voilà, qu'il y a des choses qu'on sait faire, d'autres qu'on sait pas faire. Pour les actrices et les acteurs, c'est pas tout à fait pareil parce que je pense que tous, ils savent chanter, ils apportent quelque chose à la chanson. Si tant est qu'on soit pas attaché aux qualités techniques d'une voix, il y a chez les actrices et les acteurs qui chantent donc une capacité d'incarnation. Moi, je crois que c'est eux qui m'ont appris à chanter en réalité mes chansons. C'est-à-dire que quand j'ai fait les chansons d'amour, le film de Christophe Honoré dans lesquels ils chantent, moi, je les ai fait chanter, ils chantaient tous à peu près juste et pas très... à peu près tous. C'était pas très compliqué, j'aurais fait chanter juste et en rythme, mais eux, quand je les ai vus faire, j'ai dit « Ah oui, c'est ça, alors qu'il me manque peut-être comme chanteur, c'est d'être moins monocorde, d'interpréter, d'incarner mes textes, en tout cas. Sans en faire des tonnes, sans être trop théâtral, en tout cas, de faire comment ils font là. » Et moi, ils m'ont tant appris que que je leur ai un peu appris, j'espère. Donc c'est pour ça que je les aime bien aussi. C'est pour ça que je suis toujours intéressé par faire chanter un acteur ou une actrice, parce que je leur chope des trucs. Ils croient que c'est moi qui les aide, mais c'est le contraire, en fait. Et puis, une voix de comédien ou de comédienne, même quand elle n'est pas parfaite, c'est déjà une histoire. Bien sûr, évidemment, parce que... Surtout quand ils viennent de quelque part, surtout quand ils trimballent derrière eux une cinématographie, un passé... Il y a des comédiens et des comédiennes comme ça. J'ai fait un album pour Françoise Fabian, par exemple. Mais bien sûr que quand elle chante une chanson que lui a écrit Vincent Delerme qui s'appelle La Conversation et qui dit approchez-vous de moi dans la nuit, tout ça, venez, faisons la conversation. On est chez Maud, on est dans ma nuit chez Maud. Et moi, j'aime ça que, je le disais tout à l'heure, des chanteurs qui venaient pas de nulle part. Moi, j'aime bien les gens qui, je sais pas, Catherine Deneuve, quand elle arrive dans un film, c'est Catherine Deneuve, quoi. Elle arrive avec tout ça. Et je trouve ça très émouvant, moi, ça. Je trouve ça pas du tout handicapant, en fait. Vous parlez de Catherine Deneuve. Quand Benoît Forgeard dit « Il faut être une belle ordure pour rester de marbre en écoutant « Je ne peux vivre sans t'aimer » d'Alex Baupin par Catherine Deneuve », ça vous touche ? Beaucoup. Je suis très sensible aux compliments, comme beaucoup de chanteurs. Non, mais ça me touche d'autant plus que j'ai fait très attention quand j'ai écrit cette chanson-là. J'ai fait très attention au texte, parce que évidemment, je peux vivre sans toi, oui, mais je ne peux vivre sans t'aimer, c'est une référence à Je ne pourrai jamais vivre sans toi, que peut-être une des premières fois on la voit à l'écran dans Les Parapluies de Cherbourg, elle a un peu joué avant, mais c'est là qu'elle explose, en fait, Catherine Deneuve. Donc il y a cette idée-là déjà. Et puis j'ai fait très attention à la façon dont je la faisais chanter, à la tonalité dans laquelle je la faisais chanter, parce qu'elle a toujours, je trouvais, chanté un peu trop haut par rapport à sa tessiture. J'ai fait attention à comment on écrit de la musique pour Catherine Deneuve, pour son débit, qui est un débit qu'on connaît, qui est rapide, un peu précipité, un peu comme ça, voilà. J'ai bien travaillé, quoi. Des fois, je suis pas un garçon très autosatisfait, j'espère. Mais là, je trouve que j'avais bien travaillé. Et puis, en plus, elle a apporté la dimension supplémentaire de sa voix par-dessus. Et ça, j'y peux rien. Ça, c'est vraiment elle. Et je... Non, je crois que je suis... Il n'y a pas beaucoup de chansons dont je suis fier, mais ça, je suis fier, ouais. Il semblerait que les comédiens, même si vous en avez fait chanter quelques-uns, Grégoire Le Prince Ringuet, Louis Garrel, poussent moins volontiers la chansonnette que les comédiennes. C'est vrai? Oui, alors pourquoi, tiens? Mais parce que c'est ridicule de chanter pour un garçon. Peut-être que c'est des souvenirs de collège ou d'école. À l'école, les filles, enfin, c'est pas sexiste, hein, ce que je dis. Je pense que c'est totalement culturel et que c'est à cause d'une idée de la virilité, d'une forme de machisme et tout. Moi, j'ai fait des chorales quand j'étais enfant. Il y avait toujours beaucoup plus de filles que de garçons. On était toujours obligés, quand on faisait des petites pièces ou des petites scénettes, il y a des filles qui devaient jouer les garçons. Voilà. Donc il y a peut-être ça, il y a peut-être un phénomène qui est complètement culturel en France, qui n'existe pas au Royaume-Uni par exemple, en Angleterre. Les gens chantent très bien parce qu'on fait chanter filles et garçons très tôt en fait. Et en France, il y a cette idée un peu ridicule que la chorale, quand même il n'en reste pas moins que la chorale, et même la musique peut-être dans une certaine mesure, c'est quand même des activités pour les filles. Et puis les garçons, il faut qu'ils jouent au football dehors, quoi, c'est des garçons un peu équilibrés. Peut-être qu'il y a ça derrière. Qui aimeriez-vous, dans vos rêves les plus fous, qui aimeriez-vous faire chanter qui ne serait pas chanteur ou chanteuse? Alors, pardon, c'est très, très étrange cette façon que j'ai eu de répondre. Je sais pas, moi, il faut que les choses viennent un peu à moi. J'ai déjà été assez comblé quand même dans les voix que j'aimais, que j'ai fait chanter, que ce soit Fanny Ardant, Catherine Deneuve, Louis Garrel, qui chante vraiment bien quand il chante, j'aime beaucoup quand il chante. Enfin voilà, il y a plein de gens que j'ai fait chanter, j'en oublie, hein, mais Françoise Fabian. Alors, il reste, je l'ai fait chanter un peu parce qu'elle a chanté pour un documentaire sur Téchiné de Thierry Cliffat, une chanson qui était dans un film de Téchiné qui s'appelle On se voit se voir, c'est Isabelle Adjani. Je lui ai fait faire une reprise d'une chanson qui s'appelle On se voit se voir. J'ai pu constater, d'ailleurs à cette occasion, que un, elle avait absolument pas besoin que je sois là pour la faire chanter parce qu'elle chante très bien, et que deux, elle avait conservé une voix intacte qui est celle qu'on entend en 83 dans l'album que Gainsbourg et elle avaient fait ensemble. Elle, j'oserais jamais lui demander, bah, je suis fourbe parce que je le fais ici, peut-être qu'elle l'entendra, mais elle fait ce qu'elle veut, Isabelle Adjani, elle a bien raison. Mais alors elle, ça me plairait de lui faire un album, ouais, vraiment, ça ce serait un aboutissement pour moi, parce que je crois que c'est ma chanteuse préférée, je dis pas actrice, hein. Je crois qu'Isabelle Adjani, ça va faire hurler des gens, parce que voilà, mais c'est ma chanteuse préférée parce que c'est la voix de femme qui m'émeut le plus. Alex Baupin, pour terminer la première partie de votre nuit rêvée, nous irons faire un tour du côté du tennis avec une archive de 1979, le premier volet d'une série de nuits magnétiques qui nous rappellera l'époque de Borg, McEnroe, Connors et autres Villas. Le tennis, qu'est-ce que c'est pour vous? Une passion d'enfance vécue devant la télévision ou sur les courts? Les deux. Alors je m'y suis mis tard à jouer au tennis, je m'y suis mis en seconde ou en troisième je crois. Parce que mes parents, ils avaient bien raison de trouver que c'était un sport bourgeois. Mais c'est vrai que c'est un sport bourgeois individualiste, le tennis. On va très bien l'entendre dans l'archive qu'il y a là, d'ailleurs. Moi, ce que j'aimais dans le tennis, c'est que c'est un duel, en fait. Moi, j'aimais les westerns quand j'étais petit. Et le tennis, c'est la guerre de quelqu'un contre quelqu'un, quoi. C'est peut-être un des rares sports où il y a vraiment... populaire, enfin, un des rares sports qu'on peut voir à la télévision où il se passe ça. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui rentrent dans une arène. Ils sont que tous les deux. Donc, il y a une vraie... solitude à deux qui est terrible, un individualisme terrible, il faut qu'il y en ait un qui meure à la fin. Et on l'entend, là, ils disent des choses terribles sur le tennis, c'est des salopards, les joueurs de tennis, c'est des tueurs à gages, en fait. Ils expliquent qu'ils préféreront toujours gagner à bien jouer, par exemple. Il y a vraiment ça dans le tennis. C'est un sport terrible, le tennis. En fait, pour moi, le tennis, c'est la corrida sans la cruauté de la mort de l'animal, quoi. Ce qui me plaît plutôt comme idée. Et puis en plus, quand ça se passe à Roland-Garros et qu'on est sur de la terre battue, on est vraiment là-dedans, quoi. Sachant qu'en plus, c'est des Espagnols, surtout, hein, qui gagnent Roland-Garros depuis longtemps. Voilà, le tennis, c'est ça, c'est une corrida, mais sans mise à mort. Mais avec une mise à mort symbolique qui est très forte, une dramaturgie. En plus, je parlais tout à l'heure de mon goût pour les grands romans, les choses qui durent longtemps. Un match de tennis, ça peut être très long. Et à observer, moi, ça m'a toujours... J'ai une vraie fascination pour ça, ouais. Et qui ont été vos idoles ? Bah moi, vu que c'était les années 80, ça a été Agassi beaucoup. Et puis Agassi parce que aussi je crois qu'en 99, si je dis pas de bêtises, il gagne Roland Garros. C'est le premier depuis Rod Laver à gagner les quatre tournois, enfin sur les quatre surfaces, les quatre tournois du Grand Chelem. Et puis Agassi, c'était un personnage. Moi, j'ai lu son, il faut lire l'autobiographie d'Agassi qu'il a écrit avec un prix Pulitzer et ça se lit, et tant mieux. Qui s'appelle Open, dans lequel il raconte des choses insensées. Il raconte la période où, pour des questions d'image, il portait une perruque et qu'il a perdu sans doute un Roland Garros à cause de ça contre Gomez à l'époque, parce qu'il avait peur de monter au filet, d'aller à la volée, parce qu'il avait peur que sa perruque s'en aille et que, enfin voilà, c'est, et qu'il raconte tout ça aujourd'hui. Puis il y a sa romance avec Steffi Graf. Enfin, c'est très romanesque. Le temps des tennismen au caractère très marqué et très contrasté, le côté théâtral qu'avait alors le circuit professionnel avec ses stars, avec ses grands seconds rôles également, n'est-ce pas un peu passé ? Les joueurs ne sont-ils pas devenus terriblement professionnels et formatés ? Si et non en même temps. Il y a chez des gens... Alors, il faut peut-être un peu... C'est peut-être un peu moins visible sur le court, mais une personnalité comme Djokovic ou un type comme Federer sont beaucoup plus ambigus, beaucoup plus étranges qu'on l'imagine. Il suffit de savoir de quelle façon Federer, parce qu'il jouit de son statut, est capable d'imposer que les matchs se jouent à telle heure de la journée en fonction de ce qu'il arrange. Il suffit de savoir la façon dont Djokovic et Nadal s'aiment bien sans vraiment s'aimer. Enfin, ça nécessite peut-être d'être un peu plus observateur et un peu plus lecteur. Mais moi, je crois qu'il y a encore des personnalités. Je pense juste que... qu'il faut enquêter un peu plus pour les voir. Évidemment, c'est moins spectaculaire que les gestes que pouvait avoir McEnroe à l'époque. Et peut-être, c'est peut-être dommage, évidemment. Mais quand même, il se passe encore des choses, j'ai l'impression. Dans la vie et dans votre métier, vous voyez-vous comme un joueur de fond de cours ou quelqu'un qui monte à la volée ? J'aurais aimé être un volleyeur. Moi, je trouvais ça beau, les volleyeurs, Edberg, tout ça, ça me fascinait. Mais je crains d'être quand même quelqu'un qui... Je crains d'être un petit rameur de fond quand même, parce que j'ai tendance à creuser tout le temps le même sillon, donc il y a cette façon imperturbable d'essayer de renvoyer la balle, et puis de tenir surtout, parce que je crois qu'être chanteur c'est tenir aussi, continuer, se dire allez encore un album, et puis chaque fois que je fais un final album j'ai l'impression que je n'arriverai pas à faire le suivant. Non, je crois que dans la vie, comme sur un court de tennis d'ailleurs, je suis un joueur de fond de court. Merci Alex Baupin, nous allons écouter les archives de la première partie de votre Nuit rêvée. Ah. Dans un instant, John Irving pour son roman À moi seul, bien des personnages, invité de la grande table de Caroline Brouet en 2013. À quoi pensez-vous, Valérie Lemercier au micro de Brigitte Lefebvre en 2009. Étienne Dao, Soft qui peut, un numéro de Diagonale de Marc Legras et Jacques Erwan en 1985. C'est entendu avec Marie Trintignant, une émission de Véronique Olmy en 2001. Et enfin, jeu, set et match, premier de la série Le Tennis Sport et rebondissement, proposé par Anne André et Anna de Carvalho en 1979 dans les Nuits magnétiques. Nous nous retrouverons dans un peu moins de 2h30 pour parler de la suite de votre programme Franquin, Carax, Piala et Mendès France. A tout à l'heure, Alex Baupin. A tout à l'heure.